Young homies had a come. Get the cup, get the bomba. Nina Breezy got the formula. R.I.P. Dai Mutumula. Moi j'ai porté son drapeau, le Congo un cadeau, le maillot on va mouiller. On a levé le flambeau, on a porté son fardeau, en force on va jouer. Allez, allez, les léopards, on est ensemble. Allez, les Léopards, ils sont représentants. Wakabalo, Cicéran, la Cébalon, Isoufé Moulumbu, Betano Nassé, et Tchangonde Nassé, Taya Touré, Jonathan Bolingi, Méchaké Elia Kokota, Yola Nabalo, Abessi Bolasi, Bolasia Gomema, Abouakina Kati, Akambona Tou, Tou, Tou, Tou, Tou, Tou, Tou, Tou, Tou, Bisonde ba champion, c'est bito sepela. Danse, bonance, c'est bito sepela. Nouvelle ascension dans ton pays, un nouvel espoir, ça fait plaisir. Un nouveau trophée pour mon équipe et un nouveau président de la République. Aucune chance quand ils font face à nous. Dans leur équipe, il n'y a pas de raison pour tout. Anthony Moussi, Issa Mampeku, non, ils n'ont pas le talent de Cédric Okambu. Y'a Touré ratété, Pesa la net, Timbula na limé. Awa peto la la te, Tongo midi pour Kabocha Babi, Potomina. Na dolanda lokolo adur ma soa quand ton emo si mandanda na bobe bobunda bebe Oh,